so you can see what she said. Amagi, she's white. Ah, attends, je copie paste ici. Copie et paste. Ah, tu vois, c'est Maggie qui a écrit. And she's distancing with S et with bull. Talk. A room in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. Come to sub. I have too much. She had to leave me right across her shoulder. On n'est pas calé, c'est comme ça rebondit dans tous les sens, ça parle. Avec le métronome, là, on va un peu. Ok, c'est de moi les paroles, de moi le chanteur. Hein, c'est Honky Tonk Woman. Pépé. Honky Tonk Woman. Un vieux traditionnel repris par les Rolling Stones. Fabien chante ça. C'est un vieux trad, hein. C'est ça date des années 40 en Kentucky Woman. Ça va un peu vite en 120, mais c'est pas grave. Night mate, teen sock, ballroom, queen in Memphis. À toi. Allez, salut à tous. Bonne nuit. Ok. Alors, bonne nuit, papa. Tu t'en vas? Eh ouais, dis au je me lève à 6 heures, moi. Bye bye. Merci, merci, pépé. Thank you. Puis la maison de retraite, il me ferme la porte après. Je peux plus. Mais nous, à mort. Light, pépé. Allez, go! Oh, me? Hammer will play some nice guitar. Because mine tonight is worse. Yeah.